Allez, allez, je vous emmène pour une toute nouvelle destination, un tout nouveau voyage, les amis. Les copains, les copines, nous profiterons l'année, je vous embarque pour le tout prochain départ. Nous en profiterons 7 tickets d'avance avec vous. Allez, allez, voici le petit tour qui s'achève, tout en douceur. Les copains, les copines, nous en profiterons, je vous embarque, je vous emmène pour le tout nouveau départ. Allez, allez, le tout nouveau décollage. On en profite, on prend ses places, on choisit ses places. L'Olympique, allez, vous attend, on profite. Allez, allez, c'est le petit manège à la vol, les amis, on en profite. Allez, allez, je vous embarque, je vous emmène, on en profite, on prend ses places. Je lâche les freins, allez, allez, bon voyage, à tout à l'heure, on se génial. Allez, allez, c'est parti, c'est l'heure du petit tour à l'œil, c'est l'heure du petit tour gratuit, c'est le bonbon. Allez, allez, vous restez bien assis, c'est le petit tour supplémentaire, vous restez bien assis, c'est le petit tour en plus. Les gommes, les gommes, on en profite, on prend cette place pour les deux prochains départs. Allez, allez, allez, du prochain décollage. On profite, je n'attends plus que vous, je vous embarque, je vous emmène. Allez, allez, je vous embarque, je vous emmène pour les deux prochains départs. Allez, allez, les deux prochains décollages, on profite. Les amateurs, les petits bonnets, on en profite, on prend cette place pour les nouveaux chenépins. Allez, voici le petit bon qui s'achève.